Alors que le cap des 2000 morts vient d'être franchi dans l'épidémie d'Ebola en cours en République démocratique du Congo, les pistes thérapeutiques pour traiter cette fièvre hémorragique sont paradoxalement de plus en plus nombreuses et d'une certaine efficacité. Mais compte tenu de l'urgence sanitaire, ces solutions sont dispensées sur le terrain à marche forcée en court-circuitant plusieurs étapes d'essais cliniques trop longues, alors que les populations locales continuent de mourir rapidement et que cette nouvelle flambée épidémique n'arrive pas à être endiguée. Entre les vaccins, les anticorps monoclonaux, les ARN interférents et les antiviraux, la fièvre Ebola peut-elle être éradiquée ? Comment éradiquer Ebola ? C'est le programme sensible qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et donc pour évoquer eh bien les mécanismes de cette fièvre hémorragique et les solutions thérapeutiques qui ont été jusqu'ici déployées sur le terrain pour l'endiguer, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yazdan Pana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l'INSERM, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, et Jean-Claude Manu Guerra, bonjour. Bonjour. Vous êtes virologue responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur, mais on commence cette émission par, comme tous les jours, un condensé de l'actualité scientifique du jour, mais aussi du week-end qui vient de s'écouler. C'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude qui fait grand bruit outre-Atlantique. Un traitement inverserait le processus de vieillissement biologique. C'est une étude publiée dans Aging Cell, mais il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. Déjà, c'est une toute petite étude clinique menée en Californie sur seulement 9 hommes âgés de 51 à 65 ans. Et autre point limite, il n'y a pas eu de groupe contrôle des personnes non traitées pour comparer les résultats. Toute précaution prise, pour cette étude, cette équipe s'est concentrée sur le thymus, une glande qui a un rôle essentiel pour la fonction immunitaire. Elle synthétise les globules blancs, mais elle se rétrécit après la puberté. Les patients ont suivi pendant un an un traitement à base d'hormones de croissance. Il s'agissait de vérifier si le thymus pouvait ne pas rétrécir avec l'âge. Après une analyse épigénétique, on constate que d'une part, ils ont perdu en moyenne 2 ans et demi de leur âge biologique, et d'autre part, que leur système immunitaire montre des signes de rajeunissement. Hugo Aguilaniu est généticien, il travaille sur le vieillissement cellulaire depuis plus de 20 ans. Ils font un autre calcul, qui est un calcul encore qui peut être discuté longtemps, c'est un calcul de ce qu'ils appellent l'âge épigénétique, qui montre qu'au fur et à mesure qu'un sujet vieillit, il y a une altération des modifications épigénétiques sur l'ADN. Donc voilà, il y a deux types de modifications épigénétiques, les protéines qui s'occupent de la condensation de l'ADN, et puis il y a des modifications qui sont des modifications chimiques directement sur l'ADN, et dans ce cas-là, la méthylation. Donc en fait, ils calculent la méthylation de l'ADN et ils comparent ça à une étude de base auquel ils se réfèrent, et ils disent que les patients qui prennent leur traitement, en fait, au bout d'un an de traitement, sont 1 an et demi plus jeunes que ce qui devrait être. On a juste une corrélation, c'est-à-dire qu'on sait qu'un individu entre 60 et 80 ans va avoir tel taux de méthylation, alors qu'un individu entre 80 et 100 ans va avoir un autre taux de méthylation. Et donc, on se sert de la méthylation de l'ADN comme un marqueur de l'âge dans cette étude. Et ils se concentrent là-dessus, mais ils insistent bien eux-mêmes dans la conclusion pour dire que ce n'est qu'un marqueur. Et que le vieillissement, évidemment, il y a beaucoup de marqueurs, et donc ça pourrait être une étude beaucoup plus fournie avec des marqueurs moléculaires, avec des marqueurs du vieillissement spécifique de certains des organes. Donc un profil de méthylation de l'ADN, c'est très très très rapide à faire. Donc voilà, ça leur a permis d'arriver plus rapidement à leur conclusion. Et on passe au bref de science. Alunissage raté pour Vikram, l'atterrisseur indien de la mission lunaire Chandrayaan 2. L'Inde a perdu samedi tout contact avec la sonde quelques minutes avant son atterrissage. Et hier, l'agence spatiale indienne a rétabli un contact visuel. Vikram a été localisé à la surface de la Lune. Pour le moment, impossible de rétablir la communication et on ne sait pas dans quel état est le module. Le robot Pragyan embarqué à bord devait explorer le pôle sud de la Lune pour ses cratères susceptibles de contenir de l'eau. Néanmoins, la mission Chandrayaan 2 se poursuit grâce à la sonde Orbiter. visiteurs. Pendant 7 ans, elle va étudier le sol et l'atmosphère lunaire. Selon une étude parue dans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, les femmes ont un cycle mensuel, mais aussi un cycle hormonal quotidien. Les chercheurs de l'université de Harvard ont mesuré les niveaux d'hormones de reproduction de 17 femmes pendant 9 jours et toutes les 2 heures. Les taux d'œstrogène et de progestérone, mais aussi des hormones folliculostimulantes et des hormones lutéinisantes qui agissent ensemble sur les ovaires. Ils ont découvert que pendant la première partie du cycle menstruel, celui de l'ovulation, ces hormones suivent chaque jour des cycles réguliers. Les chercheurs avancent l'hypothèse que cela aurait une influence sur l'excitation sexuelle et sur les humeurs. Il reste à vérifier par une étude de grande ampleur. Et selon une étude parue cette fois dans la revue Nature, Ecology and Evolution, le plumage des chouettes effraies blanches les aide à chasser. Une moitié des chouettes effraies sont dotées de plumes rousses, l'autre moitié de plumes blanches. Pourquoi du blanc pour un prédateur nocturne? C'était un mystère biologique. Pendant plus de 20 ans, cette équipe suisse a suivi différents groupes de chouettes. Pour la chasse, la chouette blanche est plus performante que la rousse. Les soirs de pleine lune, lorsqu'elle ouvre ses ailes, les rongeurs sont éblouis et restent pétrifiés. Pourquoi la chouette blanche a cet avantage évolutif sur la rousse, c'est un nouveau mystère. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences que vous pouvez retrouver également en podcast sur le site franceculture.fr. Nous passons à notre sujet du jour. Le 30 août dernier, la République démocratique du Congo annonçait le décès du 2000e patient victime de la fièvre hémorragique Ebola. Le bilan est aujourd'hui monté à 2050 décès. C'est la 10e épidémie depuis la découverte du virus en 1976, la 2e plus sévère après celle de 2013 à 2016 qui a fait officiellement 11 310 morts, mais plus vraisemblablement autour de 20 000. Et surtout, pour la première fois, la précédente, pas celle-ci, pour la première fois avec des cas de contamination hors Afrique, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Espagne. Retour donc à la source de ces épidémies. Nous sommes le 12 octobre 1976, au journal télévisé, lorsque la maladie ne porte pas encore le nom d'Ebola. Écoutez. Inquiétude au Zaïre où une maladie inconnue a déjà tué 800 personnes. Des prélèvements effectués sur les victimes ont été envoyés à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, ainsi qu'à l'Institut Pasteur de Paris. Le point sur cette affaire avec Pierre Bourget. Eh bien, c'est une affaire qui est extrêmement mystérieuse pour le moment, pour une raison extrêmement simple. Les personnes présentant cette maladie avaient des symptômes qui sont banaux en eux-mêmes, c'est-à-dire des migraines, de la fièvre, mais ensuite ces symptômes s'aggravaient brutalement pour se transformer en hémorragie massive et la mort suivait presque immédiatement. Ces symptômes correspondent, on le sait, à un certain nombre de fièvres hémorragiques bien connues, comme par exemple la fièvre d'Azerbaïdjan. Mais c'est à partir de ce moment-là que tout commence et qu'une vaste enquête internationale est en cours pour savoir quel est l'agent responsable de cette véritable épidémie qui a fait 800 morts. Voilà, la fièvre sera nommée peu de temps après du nom de la rivière Ebola, le long de laquelle on a trouvé donc les deux foyers épidémiques, ces deux premiers foyers épidémiques. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à cette archive, Jean-Claude Manuguera. D'abord, le ton est assez différent du ton actuel, mais après, effectivement, on n'était pas encore habitué aux émergences virales. Maintenant, on n'est pas habitué parce que c'est assez régulier. On a des nouveaux virus qui apparaissent. C'était aussi un moment où on pensait que les maladies infectieuses allaient disparaître parce qu'on les avait vaincues par les vaccins et les antibiotiques. Et donc, ça a été un tournant, je pense, même avant la découverte du VIH, qui allait survenir quelques années plus tard. Yasdan Pana sur cette archive. Oui, c'est vrai que le ton est différent. On est maintenant au 10e. Épidémie d'Ebola. Et je pense que, compte tenu de la mondialisation, les voyages, tout ce qui va avec, les épidémies ne sont pas vécues de la même façon. Et on a eu les deux dernières, parce qu'au départ, les épidémies d'Ebola, c'était moins de 500 personnes. Parce que c'était vraiment limité. Et là, c'est beaucoup plus d'ampleur. Alors justement, comment expliquer qu'on soit passé à ces premières épidémies qui font en tout cas moins de 1000 décès à aujourd'hui des épidémies qui sont beaucoup, beaucoup plus violentes. Celle d'il y a donc qui s'est interrompue en 2016, on l'estime à plus de 20 000 morts. Là, on est déjà à 2000 morts en RDC. C'est vraiment simplement la mobilité des gens ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Yasdan Pana. 2014-2016, l'épidémie d'Ebola est survenue en zone urbaine. Alors que d'habitude, c'était dans les forêts assez éloignées et ça s'éteignait tout seul. Là, à cause de la mobilité, à l'intersection de trois pays qui étaient Guinée, Libéria et la Sierra Leone. Donc ça, ça a permis vraiment, malheureusement, une épidémie très large. Ici, en RDC, Nord Kivu, l'épidémie actuelle, c'est un peu ça, et surtout, compte tenu malheureusement de la violence et l'insécurité, la guerre, on peut pas éteindre l'épidémie, parce que c'est en zone urbaine, quand même des villes comme Boni, c'est des villes de plus de 1 million d'habitants, c'est une grande ville, donc c'est beaucoup plus difficile. En plus, il y a la violence et la guerre qui permet pas d'éteindre. Donc je pense que la première raison, c'est vraiment ça, la survenue en zone urbaine. Évidemment, hein, ces foyers épidémiques, comme vient de le dire Yasdan Pana, ils augmentent, ils prennent d'autant plus d'ampleur qu'on est dans des zones compliquées, avec des difficultés d'intervention, et l'occurrence en zone de guerre en Nord Kivu, Jean-Claude Manugara. D'abord, un phénomène qui est relativement habituel pour les épidémies. Et c'est vrai que, par exemple, sur l'épidémie de 2014, on met plusieurs semaines à détecter l'épidémie, puisqu'en fait, le premier cas était en mi-décembre 2013 et le diagnostic a été fait en mars 2014. Donc on a perdu beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, le virus a continué à se promener. Faut dire aussi que on est quelquefois pris par surprise, non seulement parce que le virus va dans les villes, mais parce que le virus circule dans une partie d'Afrique où il ne circulait pas avant. Enfin, en tous les cas, vous n'avez pas fait de cas humain avant. Et puis, il faut remarquer quand même que les épidémies qu'on n'arrive pas à arrêter, à côté des problèmes de violence qui sont réels au Nord Kivu, c'est que ça touche des pays dont les systèmes de santé ont été fragilisés, dans des systèmes politiques qui ont été instables et dans lesquels la surveillance sanitaire et les soins de première intention sont déficients. Et donc, on peut avoir une circulation et des malades pendant un certain temps sans que le système ne soit alerté. J'ai une question aussi, alors je ne sais pas s'il y a de réponse à cette question, mais tout de même, là on voit des épidémies qui arrivent quasiment tous les 2 ans, à peu près 2-3 ans, 1 an parfois, et pourtant entre le premier éclat épidémique en quelque sorte en 1976 et le deuxième, il y a quasiment 20 ans qui se passent. Est-ce qu'on a une explication à ça, Yasdan Pana? Alors, 95, hein, le deuxième épidémique. Je pense que déjà il y a un premier élément qui est important, c'est que je pense qu'aujourd'hui on a des moyens de surveillance et détection qui sont beaucoup mieux qu'en 1976. Donc je pense qu'il y avait des épidémies à côté desquelles on passait sans les identifier. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, je pense qu'au départ, les foyers épidémiques, comme je l'ai dit, étaient vraiment en zone rurale, isolés, et donc n'avaient pas la même ampleur. Donc c'était beaucoup plus facile à passer à côté, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça veut dire on a un meilleur système de surveillance, et deuxièmement, il y a la taille qui est plus importante. Alors, est-ce qu'il y a des raisons virologiques? Là, il faut demander à Jean-Claude. J'en connais pas. Moi. Non, je crois pas. Est-ce que, en revanche, la virulence de ces épidémies se maintient, Jean-Claude Manugara, d'un foyer épidémique à l'autre, d'une apparition, d'une résurgence d'une épidémie à l'autre, ou est-ce que c'est là aussi variable? Alors, c'est variable. Hein. Dans la moyenne des épisodes dus à un filovirus, soit Marburg, soit Ebola, depuis entre 76 et 2013, c'était 109 cas. Donc, effectivement, des épidémies qu'on voyait à peine. Je remarquais pour le SARS, il a fallu plus de 310 cas pour qu'on commence à s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Donc 100 cas, à un moment donné, c'est pas beaucoup, et en plus, dans des coins reculés. Alors, la virulence des différentes espèces d'Ebola virus n'est pas la même. On va en reparler, ça. Et donc, en fonction de l'espèce virale qui cause l'épidémie, on a une létalité qui est plus ou moins grande, et puis on a aussi une létalité qui peut varier en fonction des traitements, même symptomatiques, qui sont mis ou pas en œuvre rapidement, et donc ça, c'est très important. Mais il y a un déterminant virologique qui est très important, également la santé de base de la population. On va revenir sur ces différentes souches, sur ces différentes espèces de virus. Une dernière question. L'OMS, je le disais tout à l'heure, a déclaré mi-juillet que la République démocratique du Congo, était une urgence sanitaire mondiale. Est-ce que sur le terrain, c'est de nature à faire bouger les choses, Yasdan Pana? Je pense que ce qui est important, quand on déclare un état d'urgence sanitaire international, c'est qu'on puisse avoir plus de moyens pour lutter contre l'épidémie. que les gens comprennent que c'est grave, que deuxième épidémie au monde d'Ebola, et qu'il faut intervenir et il faut mettre des moyens. Après, je pense que c'est quand même une urgence où on n'a pas interdit les déplacements, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'il faut, il faut savoir que les urgences sanitaires internationales peuvent avoir un impact très négatif sur l'économie des pays. Donc il faut faire attention. Malgré tout, ça a permis quand même d'avancer sur les moyens. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc du virus Ebola tout au long de cette heure en compagnie de Yazdan Pana et de Jean-Claude Manuguera. Alors on va revenir à la source de ce qu'est cette fièvre hémorragique pour comprendre les défis bien que ce virus va poser à la médecine pour le combattre. Qu'est-ce que c'est ? Qui est Ebola virus, Jean-Claude Manuguera ? Alors Ebola virus fait partie d'un ensemble de virus qui, dont le patrimoine génétique est constitué d'ARN et pas d'ADN. Ce sont des virus un peu comme ceux de la rage, par exemple, qui sont portés par des molécules d'ARN négatif, c'est-à-dire qu'elles sont... ça n'a pas le sens codant des protéines, doit être dupliqué pour pouvoir coder. Et qui sont simples brins, donc on a un seul filament de d'ARN, contrairement au virus de la grippe par exemple. Et puis autour de cet ARN, le virus est enveloppé, il prend l'enveloppe de la cellule qu'il a hébergée, et à sa surface, puisque son ambition c'est de faire entrer son ARN dans la machinerie cellulaire, à l'intérieur de la cellule, des glycoprotéines qui vont lui permettre non seulement de s'attacher aux cellules qu'il va infecter, mais également d'aider à la fusion. Alors, quelquefois il y a des protéines auxiliaires entre la membrane du virus et la membrane soit cytoplasmique, soit endosomale de la cellule. Et c'est d'ailleurs l'architecture globale de ces protéines, alors pas du tout en termes de séquence, mais en termes d'architecture globale, là, ces glycoprotéines qui permettent au virus d'entrer sont assez proches architecturalement de celles, par exemple, de l'hémagglutine de la grippe ou de la GP160 du VIH. Qui sont les antigènes, hein. Qui sont les antigènes, voilà, qui sont les, ce qui permet au virus de s'attacher, ouais, et d'entrer. Et ce virus a la particularité d'être long, plusieurs microns, 2 microns, on peut presque le voir en microscopie photonique, et c'est de là que vient le nom de la famille de filovirus. C'est des virus en forme de fil. Et puis donc ces virus entrent, ils ont une réplication cytoplasmique. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le noyau de la cellule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des messages qui passent dans le noyau, mais la réplication se fait comme la plupart des virus ARN d'ailleurs, à l'exception de celui de la grippe notable, dans le cytoplasme. Et là, il va se multiplier comme le font tous les virus. Il y a plusieurs donc familles de virus Ebola. Il y a plusieurs. Alors, est-ce qu'on dit famille, espèce, souche, de quoi on parle ? Alors, il y a de nouveaux genres. Il y avait jusqu'à l'année dernière, il y avait trois genres de virus Ebola. Les Marburg virus, les Ebola virus, qui sont deux genres différents, qui ont des structures glycoprotéines qui est un peu différente, et des tout nouveaux qui ont été détectés en Espagne, qui sont les Cuevavirus, et qui, pour l'instant, n'ont pas été détectés chez l'homme. Et puis, de nouveaux genres sont maintenant... un nouveau genre qui a été adopté maintenant par le Comité international de taxonomie. Alors, à l'intérieur de chaque genre, on a différentes espèces de virus. Voilà. Dans Marburg, il n'y en a qu'une. Ebola, il y en a 6. Il y en a 6 maintenant. Voilà. Et notamment, dans les 6, il y a les 2 plus importants, ou les 3 plus importants, qui sont Zaïre, qui est en cours en ce moment en RDC. Qui est en cours en RDC, Soudan et Bujumbura. Ensuite, les 2 autres historiques qui sont Thaï et Reston. Reston n'est pas pathogène pour l'homme, et Thaï a dû faire un cas dans sa carrière. Et Bombali qui vient d'être ajouté. Exactement. Voilà. Donc on parle d'espèces, et donc dans l'espèce qui est liée à la structure, à la distance génétique, l'architecture, et puis au sein de l'espèce, on va avoir différentes souches Isola, par exemple celle de 76 est différente de celle de 2014, pas tant que ça, mais quand même relativement différente, et donc ça on appelle de souches. Ça souche dans l'espèce. Dans l'espèce, d'accord, c'est la dernière. Très bien. Du coup, est-ce que on comprend bien que ces différentes espèces de virus Ebola ont des virulences et des létalités différentes. En revanche, aujourd'hui, les souches, elles aussi, peuvent être plus ou moins virulentes. Est-ce qu'on sait, on a identifié aujourd'hui la souche exacte qui est à l'œuvre en ce moment au RDC ? Est-ce qu'il y a plusieurs souches qui circulent en même temps ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, les souches peuvent se diversifier au cours de l'épidémie. Plus l'épidémie va durer longtemps, et on l'a vu en 2013-2015, on a une dérive par mutation, comme pour tous les virus, qui est pas extrêmement rapide, mais qui existe. Et donc, au bout d'un moment, une même souche, un même variant, va pouvoir donner des variants différents. Généralement, dans une épidémie, le variant varie très peu, même si l'épidémie dure longtemps. Après, on va regarder des micro-changements qui permettent de retracer l'évolution du virus. Mais c'est très important de dire que quand l'épidémie a éclaté en Afrique de l'Ouest, s'est très rapidement demandé s'il s'agissait d'une souche qui était proche des variants connus en RDC. C'était du Zaïre, mais effectivement, la souche était différente. Et quand il y a eu une épidémie en 2014, pendant qu'il y avait l'épidémie en Afrique de l'Ouest, il y avait eu aussi une épidémie en août 2014 en RDC. Et là, très très vite, on s'est intéressé à savoir s'il s'agissait du même variant ou pas, pour savoir si c'était lié ou pas à l'épidémie générale en Afrique de l'Ouest. C'était pas le cas, donc c'est important de le savoir. Donc c'était deux foyers épidémiques distincts, en fait. Voilà, qui avaient une source différente. Alors la virulence, on a des idées sur les mécanismes qui font qu'un virus est virulent ou pas. Après, au cours d'une épidémie, c'est un peu compliqué de déterminer a priori la virulence. Peut-être qu'on peut rappeler aussi ce que fait ce virus Ebola. Comment est-ce qu'on arrive de ce virus et comment il se développe? Quelle est la phase d'incubation? Quels sont les premiers symptômes? Qui veut répondre à ça plutôt, Yazdan Pana? Oui. Qu'est-ce qui fait à nos cellules? Pourquoi est-ce que c'est aussi rapide? Pourquoi est-ce que sa virulence et sa létalité est aussi élevée? Voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi sa virulence est aussi élevée. Je pense qu'on ne le sait pas. La létalité, c'est autour de 50 à 60% quand il n'y a pas de traitement. La durée d'incubation, ça veut dire à partir du moment où vous rencontrez le virus jusqu'au moment où vous avez les premiers signes, ça peut aller jusqu'à 21 jours. Et ça, c'est très important, mais en général, c'est beaucoup plus court. C'est ça, en général, c'est autour d'une semaine. Une semaine, voilà. Mais la borne supérieure, si vous voulez, c'est 21 jours. Voilà. Et la moyenne, c'est autour de 5 à 7 jours. Et quand vous rencontrez le virus, donc 5 à 7 jours après, vous avez les symptômes. Alors, ça a été rappelé dans le reportage, et c'est intéressant parce que on a un peu changé depuis 2014-2016. En fait, au départ, c'est fièvre, des maux de tête, et c'est une gastro-entérite, en fait. On a des diarrhées et des vomissements très importants. Des malades qui ont été hospitalisés en 2014, notamment en Europe, on avait vu parfois jusqu'à 10 litres de diarrhée par jour. Du coup, les malades meurent surtout à cause d'une déshydratation. Et en fait, la phase hémorragique qui a été dit, parce que après les gens commencent à saigner, là, on le voit que dans 15% des cas. Donc, en général, les décès, c'est lié à une gastro-entérite très sévère. Et finalement, la sévérité dépend de la quantité de virus qu'on a dans le sang, qui ont pour cible, donc, notamment, le tube digestif. La sévérité dépend de l'âge. On sait que les personnes âgées meurent beaucoup plus, et malheureusement, les enfants meurent beaucoup plus. Donc c'est très important de considérer pour le traitement et pour le vaccin qu'on évoquera tout à l'heure, ces populations-là. Que se passe-t-il au niveau cellulaire, justement, Jean-Claude Manuguera? Je crois que les premières cellules auxquelles s'attaque le virus Ebola, c'est les cellules du système immunitaire? Non, c'est des cellules immunitaires, oui, périphériques, pas forcément les effectifs. En fait, le virus va entrer dans un certain nombre de... Il n'est pas très regardant pour les cellules qui l'infectent. On dit qu'il a un large tropisme. Oui, en termes d'hôtes et en termes de cellules également. Et il va avoir sur ces cellules... il va appliquer à ces cellules des mécanismes de défense de lui-même. Donc d'abord, il va faire comme beaucoup de virus. Il va essayer d'arrêter la voie de l'interféron, qui est notre immunité innée, et qui marche et dès qu'il repère qu'il y a des cellules... deux brins d'ARN ensemble, c'est pas normal dans une cellule, et donc le système d'interféron se met en route, et donc beaucoup de virus arrivent très bien à arrêter la voie de l'interféron. Et donc ça, c'était un des mécanismes d'échappement à l'immunité innée. La deuxième chose qu'il va faire, le virus, c'est qu'il va essayer de leurrer notre système immunitaire adaptatif. C'est-à-dire qu'en fait, notamment, c'est le cas d'Ebola et pas le cas de Marbourg, le virus a trois formes de sa protéine, de glycoprotéine de surface, et deux de ces formes sont des protéines solubles, il y a la soluble et la petite soluble, et ces protéines, elles vont aller se balader dans le corps, et d'une part, elles vont avoir une activité de leurre, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qu'on va commencer à produire, vont être attrapés par ces faux antigènes qui sont pas liés à un virus, et puis d'autres effets sur des cellules toxiques, et notamment sur les cellules endothéliales qui vont entraîner une perméabilité vasculaire plus ou moins grande. Et tout ce mécanisme concourt au fait à arrêter la réponse de l'organisme au virus. Alors, Jean l'a dit très bien tout à l'heure, plus on a de virus et moins c'est bon signe. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on a appris en Afrique de l'Ouest, notamment parce que on a pu appliquer à large échelle, avec sur beaucoup de cas, notamment des réactions de détection génétique. Et on sait qu'il y a une corrélation entre la précocité de la positivité ou positivation, je sais pas comment on dit, au cours de l'analyse, et le pronostic vital. Donc ça, c'est très important. Il y a un moment, en fait, où le virus gagne, où il perd, et c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir des soutiens symptomatiques au corps, parce que il y a un moment, la bascule se fait dans un sens ou dans l'autre. Alors, pour essayer de comprendre justement bien tout ce que vous venez d'écrire et ce fonctionnement du virus Ebola, nous sommes allés voir comment il se comporte in vitro. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans l'unité de biologie des infections virales émergentes du Centre Pasteur à Lyon, qui est le centre national de référence des fièvres hémorragiques virales. Oui, et c'est sur le site du laboratoire P4 Jean Mérieux de Lyon que j'ai rencontré Sylvain Bèze, qui est directeur de cette unité et de ce centre. Avec son équipe, Sylvain Bèze a identifié la souche du virus Ebola responsable de l'importante épidémie de 2014. Depuis, ils continuent de mener leurs travaux de recherche fondamentale et de diagnostic sur les échantillons infectés par Ebola ou d'autres fièvres hémorragiques virales qui arrivent dans les locaux ultra sécurisés du laboratoire P4. Il nous explique en quoi consistent ces travaux de recherche en laboratoire sur des maladies aussi dangereuses et quelles sont les stratégies mises en œuvre pour développer de nouveaux vaccins. C'est un laboratoire ici qui est, on va dire, de niveau 1, c'est-à-dire pas du tout de confinement. Dans ce laboratoire, on réalise des activités de recherche fondamentales. Et puis ici, on a une pièce qui est un peu intéressante pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la pièce dans laquelle on fait les amplifications par PCR, que ce soit PCR temps réel ou PCR plus qualitative. Donc les activités liées au diagnostic, puisque le diagnostic de ces infections se fait principalement par détection du matériel génétique du virus au sein des échantillons humains. Alors là, concrètement, si un échantillon infecté vous arrive, cette salle, à quoi elle va servir ? Alors en fait, cette salle, elle arrive vraiment à la fin du processus de diagnostic. Ce qui va se passer d'abord, alors j'ouvre le stand pour que vous puissiez voir, puisqu'on ne va pas pouvoir accéder plus près. Donc ici, vous avez le laboratoire P4, l'espèce de cube là qui est posé en face de nous. Voilà. Donc c'est là que tout démarre. On a l'échantillon, donc cet échantillon est potentiellement contaminé, donc il doit être manipulé en confinement niveau 4. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans ce laboratoire, on va extraire le matériel génétique dans l'échantillon, souvent c'est du sang, du plasma, et on va aussi inactiver l'échantillon pour pouvoir derrière faire de la sérologie, c'est-à-dire détecter les anticorps que le patient aurait développés contre cet agent. Une fois que ces processus sont faits, on peut sortir l'échantillon puisqu'il est inactivé. Et c'est après ici qu'on va faire la suite du processus, c'est-à-dire l'amplification par PCR du matériel génétique viral ou la détection des anticorps par des méthodes ELISA très très classiques. Et donc cette pièce sert justement à amplifier par PCR le matériel génétique. PCR, on rappelle pour nos auditeurs. C'est la réaction de polymérisation en chaîne, c'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce de photocopie de l'ARN du virus. À partir d'une molécule d'ARN présente dans l'échantillon du patient, on va en faire des millions qu'on pourra ainsi détecter. Alors ici, on peut signaler, par exemple, on a un petit peu de matériel qui sert à faire du séquençage à haut débit, parce qu'en fait, une fois qu'on a détecté l'agent, on sait que c'est par exemple le virus Ebola, mais derrière, on va être intéressé de connaître plus précisément quelle souche a infecté le patient, et donc c'est là où interviennent les techniques de séquençage à haut débit, où là, on va dérouler toute la séquence du virus pour pouvoir le caractériser et dire s'il appartient à telle ou telle espèce, si c'est de l'Ebola Zaïre, de l'Ebola Soudan, par exemple. Tout ça, c'est intéressant, puisque ça permettra d'évaluer si cette souche peut être détectée correctement par les techniques de diagnostic existantes. Enfin voilà, si le virus évolue, si le virus mute, donc c'est à partir de ce type de matériel qu'on va pouvoir réaliser ces approches. Ici, c'est la pièce ultime, en fait, quand on fait justement cette détection moléculaire, puisqu'en fait c'est là où on va faire migrer les produits réactionnels sur des gels pour ensuite les mettre en évidence par fluorescence dans cet appareil qui est en fait un imageur fluorescent. Donc c'est vraiment la pièce à la fin où on a le résultat pour ce qui concerne la PCR qualitative, sachant que la PCR temps réel, on a le résultat directement sur l'appareil comme on a vu tout à l'heure, puisque c'est du temps réel justement. Et puis ensuite, donc la recherche fondamentale, ça utilise un petit peu les mêmes techniques, bien entendu. On a des choses en plus, puisqu'on fait beaucoup de manips quand on fait nos vaccins. Bien entendu, on est obligé de tester leur efficacité dans les modèles animaux. Et donc là, on a tout un tas d'équipements qui nous permettent de faire de l'histologie sur les organes, des choses comme ça. Donc on a... Il y a une partie animalerie également. Une partie animalerie dans le P4, bien entendu, oui, qui est indispensable pour... quand on fait un vaccin, bien entendu, on ne peut pas vérifier in vitro si le vaccin fonctionne. Donc là, on est obligé de passer par des modèles animaux qu'on vaccine et qu'ensuite on challenge avec le virus. Pourquoi je parle beaucoup de vaccination? Parce qu'en fait, si vous voyez un petit peu l'évolution de ces épidémies, notamment Ebola, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou là en République démocratique du Congo, on voit bien qu'on a extrêmement de mal à arrêter ces épidémies une fois qu'elles sont engagées. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent dans des endroits où c'est très difficile de travailler. La Guinée, c'était compliqué. Enfin, Guinée, Sierra Leone, Libéria, c'était compliqué parce que le virus s'était disséminé d'une manière très large et du coup, c'était très compliqué de contrôler tous les foyers. Et ici, on a redessé le problématique et autres, puisqu'il s'agit d'un problème de conflits, de zones de guerre, où on n'a pas accès à tous les patients, où il y a une grosse réticence des populations, ce qui fait qu'on n'arrive pas à contrôler tous les foyers épidémiques. Et on voit bien que depuis un an, cette épidémie n'arrive pas à être arrêtée. Et finalement, on se dit que, puisqu'on n'a pas vraiment de traitement très très efficace, il y a des traitements qui montrent une certaine efficacité, mais qui de toute façon ne sauvent pas tous les patients. Du coup, qu'est-ce qui permettrait de plus facilement arrêter ces épidémies? Tout simplement un vaccin. Jusqu'à présent, avant cette grosse épidémie de 2014, les épidémies étaient beaucoup plus restreintes et du coup, on n'avait pas accès à énormément d'échantillons de patients. Et du coup, il restait beaucoup de questions sur justement comment le virus va induire cette maladie aussi grave, pourquoi le virus est aussi pathogène et tue autant un si grand nombre de patients. Et du coup, l'accès à ces échantillons qui a été possible en 2014, puisqu'on était sur place et qu'il y a eu un grand nombre de patients, et il y a eu une grosse mobilisation internationale justement pour ça, a permis, par nous mais aussi bien sûr par bien d'autres équipes, de considérablement améliorer la connaissance qu'on avait de ce virus et de la maladie. D'autres équipes ont fait beaucoup avancer les choses en termes de vaccination. Donc il y a eu énormément d'avancées, ça c'est clair, et pour moi une avancée qui a été très notable et sans doute la plus importante au niveau de cette épidémie de 2014, c'est qu'elle a fait prendre conscience à la communauté scientifique, mais aussi aux autorités de santé, de la gravité de ces pathologies qui jusqu'à présent étaient un petit peu négligées. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens pour travailler, puisqu'il y a des moyens financiers qui ont été débloqués, qui nous permettent par exemple de travailler sur ce vaccin Lassa, parce qu'il y a eu des consortiums internationaux qui ont été mis en place pour aider justement à mettre en place et à proposer des vaccins efficaces, et notamment l'OMS a bien mis en tête de liste tous ces virus comme des problèmes de santé publique majeurs sur lesquels il fallait vraiment se travailler. Du coup, cette épidémie, quelque part, a permis justement qu'aujourd'hui on soit un petit peu plus serein et pour travailler là-dessus et permettre de proposer des avancées. Voilà le reportage du jour au Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales au Centre Pasteur de Lyon. C'est une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre et à ces travaux qui permettent de découvrir, comme on l'a entendu, les espèces et les souches des virus. Yass Dampana. Non, je pense que ce qui a été dit et qui est très important, c'est que depuis 2014-2016, on a des moyens pour plus travailler sur le vaccin et le traitement, mais je pense qu'il faut pas oublier que notre arme le plus important, c'est des choses simples. C'est la prévention, c'est de se laver les mains, c'est d'identifier les cas très rapidement, d'essayer d'isoler les cas très rapidement pour qu'il n'y ait pas de transmission. Et je pense que vaccin, traitement, c'est très important, mais n'oublions pas les préventions et les gestes simples. Et on y reviendra parce que ça n'est pas toujours simple justement d'aller dans des communautés qui sont des communautés reculées, très rurales, et de leur imposer des gestes d'hygiène qui sont vécus parfois comme un peu intrusifs. On y reviendra dans un instant. Jean-Claude Manuguera, votre opinion sur ce reportage ou ce que vous avez envie de réagir à ce propos? En fait, ce que Sylvain Meuse a dit est très juste. Mieux on connaît et mieux on peut agir. La détection des épidémies, plus elle est précoce et plus on a de chances de l'endiguer, parce qu'on a justement moins de cas à suivre et moins de cas isolés, en sachant qu'on a la chance, dans le cas d'Ebola, entre guillemets, qu'on n'est pas de ne pas être contagieux avant d'être malade. Et ça permet de rendre l'isolement des malades efficace, contrairement à la grippe, on est pratiquement au pic d'excrétion au moment où on tombe malade. Et puis, c'est très important, effectivement, de pouvoir tester sur le terrain des médicaments et des vaccins, et aussi de pouvoir prendre en charge les patients et de pas prendre et de pas se tromper dans le triage des patients grâce aux analyses biologiques entre un patient qui serait malade et qu'on laisserait partir et un patient pas malade qu'on mettrait dans le centre de traitement. Donc ça, c'est très important aussi pour éviter ce genre de situation. Donc il a très bien décrit l'intérêt de la connaissance de ces virus. Treatment from a baby up until this blessed day. I've had rough treatment from a baby up until this blessed day. I had to work and sleep just to pass the time away. So now rough treatment don't get it. Be nice and kind to me. Now rough treatment don't get it. Be nice and kind to me. If I've been a little unruly, well, I did not intend to be. Tried all my ways, learned the things that I enjoy. Learn all my ways, learn the things that I enjoy. Well, you know I crave happiness, I'm my mama's baby boy. Be nice and kind, and then raise me to your hand. Be nice and kind, and then raise me to your hand. Rough Treatment de Slim Bumblebee à 16h37 sur France Culture. Nous parlons de la fièvre Ebola tout au long de cette heure. Nous l'avons décrite. Nous allons maintenant écouter, essayer de comprendre comment lutter contre ces virus. Nous en parlons avec Yazdan Pana, qui est directeur de l'Institut d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l'INSERM et chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, et avec Jean-Claude Manuguera, qui est virologue responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Jean-Claude Manuguera, vous me disiez pendant la musique qu'il faut effectivement rappeler, parce que c'est vrai que la fièvre Ebola, ça suscite tout de suite beaucoup d'inquiétudes. On parle de fièvre hémorragique, de symptômes qui sont effectivement assez marquants visuellement et qui peuvent susciter la peur. Or, il faut effectivement peut-être redonner un peu des chiffres ou des proportions épidémiologiques. Quand bien même on ferait monter le bilan à 20 000 morts de la précédente crise épidémique, on est quand même sur des seuils et sur des taux de décès qui sont très très bas par rapport à des choses beaucoup plus, ou à des virus beaucoup plus courants. Oui, je disais que effectivement, faut penser à d'autres pathogènes, donc le VIH qui tue encore entre 800 et 900 000 personnes par an dans le monde, la tuberculose qui est entre 1,2 et 1,3 millions, ce qui est considérable, sans parler du paludisme. Mais donc, il faut mettre en perspective, et même sans parler de la grippe, hein, si on fait le cumul sur plusieurs années. Donc, effectivement, c'est une maladie, c'est une situation préoccupante, mais qui doit être mettre en perspective par rapport aux autres. La seule chose que je dois dire, effectivement, qui peut justifier qu'on soit extrêmement vigilant, c'est qu'il se pourrait qu'un jour le virus s'affranchisse de son réservoir, parce que pour l'instant, les épidémies s'arrêtent, en fait, mais elles recommencent par réintroduction à partir de réservoir animal. Le jour où le virus deviendra indépendant de son réservoir animal par une transmission interhumaine continue, c'est un virus qui risque de devenir ubiquitaire, et ça, c'est une autre histoire. Ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on ne trouvera plus cantonné là où des espèces animales hébergent de manière continue le virus. C'est la notion de réservoir. Et donc, là, effectivement, ça pourrait donner à ces infections et à ces épidémies une ampleur beaucoup plus grave, parce qu'elle serait plus limitée à l'aire de répartition du virus dans le réservoir. Alors, vous vouliez avoir un propos rassurant d'une main, mais en même temps, ce que vous venez de nous dire n'est pas très rassurant d'une autre. Peut-être rappeler, Yasdan, en un mot, effectivement, qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces foyers épidémiques apparaissent, s'éteignent, réapparaissent? On sait aujourd'hui qu'effectivement, il y a des foyers animaux, principalement chez la chauve-souris, mais oui. Pas uniquement. Oui, en fait, on a des équipes qui ont essayé de regarder, justement, les équipes INSERM, IRD, Université de Montpellier, qui ont regardé ça. Effectivement, réservoir le plus important semble être le chauve-souris. Les porteurs sains, qui ne développeraient pas la maladie. Oui, non, voilà. Et que les épidémies commencent souvent, par exemple en Guinée, c'est un enfant. Les enfants qui jouent avec les chauves-souris, comme transmission. Après, ça peut être aussi la faune sauvage. Et il ne faut pas oublier, ça c'est important, que la transmission peut être aussi interhumaine, mais longtemps après la maladie par voie sexuelle. Il y a un foyer au Liberia qui est reparti. Alors pour l'instant, on ne sait pas exactement la transmission sexuelle, combien de temps ça dure. Quand on trouve le virus dans le sperme, un an après, est-ce que c'est contagieux ou pas? Pour l'instant, c'est peu de cas. Mais comme le disait Jean-Claude, il faut faire attention parce que on peut rentrer dans les autres choses. Après, par rapport à ce qu'il disait, je pense que, bien sûr, si on met dans le contexte, il y a beaucoup d'autres maladies qui tuent beaucoup plus. C'est pour ça que je pense que maintenant, la réponse doit être beaucoup plus transversale. La réponse doit être la structuration de systèmes de santé pour pouvoir justement lutter contre les maladies, pour qu'il n'y ait pas d'épidémie. Et là, on n'aurait pas une réponse à une seule maladie, mais une réponse globale. Alors, on va parler dans cette deuxième partie tout de même de la question des traitements, et avec cette particularité qu'il faut souligner d'emblée, c'est que compte tenu du fait que depuis la fin des années 90, les épidémies d'Ebola apparaissent tous les ans ou tous les deux ans, eh bien, ces flambées épidémiques sont trop rapprochées dans le temps pour que les essais des thérapies suivent le cours normal des tests de médicaments. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un certain nombre de candidats, vaccins, médicaments dont vous allez nous parler, qui sont dispensés, on dit alors à titre compassionnel, c'est-à-dire que finalement on saute des étapes de validation classique des médicaments pour essayer directement compte tenu de l'urgence sanitaire. Yasdan Pana. Alors, il y a deux sujets, il y a les vaccins et les médicaments. Mm-hmm. Je vais commencer par les vaccins. Très bien. Pour les vaccins, l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest a permis de mettre en évidence un vaccin efficace qui est le vaccin VSV. VSV Zeboff. Zeboff, voilà, qui, comme ça a été dit, il ne faut pas dire que quand on vaccine les contacts, il y a une efficacité de 100%, mais en tout cas, il y a une très bonne efficacité. Oh, c'est un vaccin prophylactique, pas un vaccin thérapeutique. Non, ce n'est pas un vaccin thérapeutique. Pour l'instant, les conditions dans lesquelles il a été testé, c'est quoi? Une personne tombe malade, les contacts qui sont autour, on les vaccine, et normalement, il y a une efficacité importante, sauf dans les premiers jours, parce que ça veut dire qu'il y a déjà le virus. C'est ce qu'on appelle la vaccination en anneau. En anneau, voilà. Ring vaccination. On entoure les gens qui sont malades et on entoure avec tout leur cercle de... C'est ce qu'on avait utilisé pour la variole, ça vient de la variole. Par ailleurs, aujourd'hui, ce vaccin est utilisé également à titre prophylactif, c'est-à-dire préventif, chez les, notamment, travailleurs humanitaires qui partent pour soigner les malades, on les vaccine. On ne sait pas combien de temps c'est efficace. Mais... Alors, on ne sait pas combien de temps. Il faut rappeler aussi qu'il y a tout de même un mode de transmission interhumain, notamment avec les personnes qui sont malades et avec les corps des personnes qui sont décédées. Sécrétions. Les sécrétions, voilà. Le sang, voilà, bref, tout ça, quand on manipule les corps, c'est une des voies de transmission interhumaine. Voilà. C'est le contact, c'est la transmission par contact et notamment avec les liquides biologiques. C'est le mode principal de conservation. Alors, ce vaccin, qui est le vaccin, il y a d'autres vaccins, mais celui-là, il a montré son efficacité. Pour l'instant, il n'a pas son autorisation de mise sur le marché, parce qu'il faut un certain nombre. Par contre, l'OMS l'utilise, recommande son utilisation pour vacciner de manière assez large. Il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées. La raison pour laquelle, je pense que... 170 000 personnes. Voilà, 170 000, près de 200 000 personnes. Je pense que malheureusement, on peut pas vacciner tout le monde parce que il y a des contacts qu'on trouve pas. Mais malgré tout, il y a plein d'études qui sortent, qui montrent que s'il n'y avait pas de vaccination, cette épidémie serait beaucoup plus importante. Donc je pense que ça c'est très important. Donc ce vaccin-là, même s'il n'a pas son AMM, il est... Autorisation de mise sur le marché, ouais. Même. Oui. Voilà. Un mot peut-être, Jean-Claude Manuguera, ce vaccin VSV Zeboff, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il fonctionne? Je crois que l'une de ses qualités, c'est sa grande efficacité. L'un de ses défauts, c'est qu'il ne fonctionne que sur la souche Zaïre. Alors, c'est un OGM, un organisme génétiquement modifié. En gros, on a pris un virus qui est d'ailleurs assez proche, hein, c'est un virus ARN négatif enveloppé, qui est le VSV, dans lequel on a remplacé 5 glycoprotéines de surface, qui a la même fonction que celle d'Ebola, par celle d'Ebola. Et en fait, c'est un antigène majeur qui fait que les anticorps contre cet antigène vont empêcher l'entrée du virus, éventuellement la fusion du virus pour entrer dans la cellule. Et donc, c'est un système... en gros, c'est un virus qui est proche de la rougeole. Il y a beaucoup de vaccins qui sont basés là-dessus et qui se réplique. C'est un recombinant atténué et qui se réplique et qui induit une immunité de bonne qualité. Avec le gros avantage, c'est que en fait, on peut déterminer si une personne a été vaccinée ou si elle a été infectée, parce qu'en fait, il n'y a que la partie du génome qui code la glycoprotéine qui est présente dans le virus, le reste n'est pas présent, et donc on peut faire la différence comme ça. Ça c'est pour le VSV Zeboff. Alors je crois qu'il y a d'autres candidats vaccins qui ont été testés, notamment un autre qui s'appelle Zeboff MVABN Philo, qui lui alors est un peu plus compliqué à administrer, mais qui couvre sur plus de souches et plus d'espèces d'Ebola. Alors ça je connais pas. Alors c'est le vaccin qui a été donc qui est effectivement un stade le plus avancé après le VSV. Alors vous avez dit plus compliqué, oui, parce que il faut faire ce qu'ils appellent un prime et un boost, ça veut dire qu'on fait une première vaccination et, un rappel. Et 56 jours après on fait un rappel et en fait c'est pas efficace tout de suite. C'est pour ça que ça ne peut pas être utilisé dans le cas d'une vaccination en nano. Parce que si on vaccine les contacts, on a besoin que ça soit efficace tout de suite, pas 56 jours après. Par contre, c'est un vaccin qui peut être utilisé à titre préventif. Et là, bon, vous avez lu probablement l'ensemble des beaucoup de littérature sur ça, parce que il y a beaucoup de gens qui étaient pour commencer à vacciner avec ce vaccin et d'autres qui n'étaient pas d'accord. Et probablement bientôt, il va y avoir une étude qui va commencer sur le terrain où on ne sait pas très bien encore. Parce que donc ces deux vaccins, pour ne parler pour le moment que des vaccins, ils ont été utilisés à plus ou moins grande échelle sans aller jusqu'au bout du processus de certification et de validation via les essais cliniques. Néanmoins, on les utilise parce que les premiers retours sur le terrain sont relativement positifs. On voit qu'il n'y a pas d'effet secondaire trop fort. Il y a une différence entre les deux vaccins. Le VSV en Guinée, dans l'étude Ebola, ça suffit, a montré une efficacité. Par contre, par exemple, on a très peu de données chez l'enfant. Ça a été surtout les adultes. Chez les populations particulières, on a très peu de données. D'où le fait que l'autorisation sur le marché, finalement, traîne un peu, mais malgré tout, on l'utilise. Le deuxième vaccin, il n'y a pas d'étude clinique. Il n'y a aucune étude qui n'a montré l'efficacité clinique de ce vaccin-là, contrairement au VSV. Donc du coup, il est un peu plus en retard dans le processus. Après, comme vous avez dit, il y a des méthodes d'utilisation accélérée de ces vaccins en cas d'urgence. Jean-Claude Manuguera. Juste pour rétablir un tout petit peu les choses, on ne peut pas dire... Pour voir l'efficacité d'un vaccin, il faut arriver à ce qu'on appelle en phase 3. C'est-à-dire voir sur le terrain la protection qu'apporte le vaccin par rapport aux populations non vaccinées. Et donc, pour qu'il y ait la phase 3, il faut qu'il y ait une épidémie, c'est compliqué à mettre en place, il faut qu'il y ait assez de cas, et ce qui n'avait pas été le cas avant, parce que les épidémies n'étaient pas grandes, comme l'a dit Yazdan. En revanche, on ne peut pas dire que rien n'avait été testé sur les virus et qu'on ne connaissait rien, par exemple sur les vaccins, et qu'on ne connaissait pas les vaccins, parce qu'il y a les phases 1 et les phases 2. Et donc, les vaccins, lorsqu'ils avaient en phase 3, ont déjà passé les critères de toxicité, très important, qui est la phase 1, et la phase 2, prolonge cette phase 1 et qui permet de mesurer certains paramètres biologiques sans pouvoir démontrer l'efficacité sur le terrain. Donc, en phase 3, ne sait pas, on ne prend pas des produits toxiques. On sait bien qu'ils ne sont pas toxiques. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous passés par la phase 1 et la phase 2, parce que je crois qu'il y en a... Ils ont sauté la phase 2. Oui, ils ont fait A1 tout de suite phase 3, c'est quasiment. Ça, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, ça c'est pour les vaccins. Il y a d'autres candidats médicaments, et là, pour le coup, qui sont des médicaments médicaments thérapeutiques, c'est-à-dire pour traiter la maladie quand elle est déclarée. Quels sont-ils, Yazdan Tampana? Alors, l'épidémie 2014-2016 a été finalement pas si mauvais que ça en termes de recherche pour le vaccin. Mais par contre, pour le traitement, pas bon. Comme vous avez dit, on commence trop tard, l'épidémie est finie, l'épidémie. Donc du coup, on a décidé de mettre en place en amont des protocoles de recherche et finalement de les garder ouverts d'une épidémie à l'autre. Donc là, il y a eu une autre épidémie en RDC, dans la province d'Équateur, au mois de mai 2018. Et quand en août, il y a eu une autre épidémie, on était quasiment prêts pour évaluer. Donc il y a eu 4 candidats thérapeutiques. Un antiviral direct, qui est Remdesivir, c'est un antiviral, ça agit sur le virus. Et 3 cocktails, ou pas cocktails, d'anticorps monoclonaux, ça veut dire que c'est des anticorps finalement qui bloquent l'entrée du virus, les glycoprotéines dont a parlé Jean-Claude, au niveau des virus. Donc il y avait le ZMAP, qui était un produit qu'on avait utilisé en 2014-2016 avec une efficacité relative. Relative. On n'était pas sûr parce que l'épidémie était finie. Et de nouveau, qu'on n'avait pas. Donc, il y avait le MAB114 qui est un anticorps monoclonal qui vient d'un patient des anticorps parce que quand vous êtes malade, vous sécrétez des anticorps. Donc, on utilise ça pour essayer de faire un médicament. Donc, là, ce produit-là, c'était un des produits qui avait fait une phase 1 publiée début 2018, donc qu'on a utilisé. Et l'autre, c'est Regeneron, qui est aussi un cocktail d'anticorps monoclonaux. Et qui font tomber tous les deux le taux de mortalité aux alentours de 30%, plus ou moins. Un essai clinique a été réalisé. On a eu ses premiers résultats en août, des résultats intermédiaires, donc il faut faire attention. Et 2 de ces molécules font mieux que 2 autres. En gros, avec ZMapp et Remdesivir, la mortalité est autour de 50%. Là, c'est 60, hein, rappelons que voilà. Le taux de 60-70. Et là, c'est 30%, de 20% de moins. Et l'autre point extrêmement important, c'est que quand les malades arrivent très tôt, donc le début de maladie, là, la mortalité est de l'ordre de 10% avec ces deux molécules-là. Donc maintenant, ZMapp et Remdesivir sont sortis. Il n'y a que ces deux médicaments et on est en train de continuer à évaluer ces médicaments. Qui sont très bien, parce que quand même, ça devient maintenant une maladie pour laquelle il y a quand même un traitement. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré la situation d'urgence, la recherche a réussi à s'organiser pour produire non seulement un candidat vaccin qui a l'air d'être efficace pour la vaccination en anneau, un autre qui est un vaccin purement prophylactique, et tout de même 2 traitements directs qui ont l'air de fonctionner. Donc ça veut dire qu'on peut espérer que la recherche aille jusqu'à son bout, que leur utilisation dans l'épidémie actuelle en RDC serve de décès de clinique de phase 3 et que finalement, lors de la prochaine éruption épidémique, on se retrouve avec un arsenal thérapeutique suffisant pour pouvoir la contenir, la traiter, réduire la mortalité ? Suffisant, je ne sais pas. Mais en tout cas, on progresse. 2014-2016, on a eu un vaccin. Si c'était mi-témie, on n'avait pas de vaccin, ça aurait été beaucoup plus important. Là, on a des traitements. Et les traitements, c'est très important parce que on parlait du fait que les malades ne veulent pas venir vers les centres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement. Quand les malades savent, donc ils disent, j'y vais, je meurs. Donc pourquoi j'y vais? Je veux rester avec ma famille. Donc ça, c'est très embêtant pour la transmission. Le fait d'avoir un traitement et de dire, il y a un traitement. Si vous allez tôt, vous avez le risque de mourir, c'est 10% et pas 50%. Mais ces gens-là vont venir. Et ça, au-delà de traitement, c'est très important pour le contrôle de l'épidémie. Est-ce que, alors justement, parlons pour conclure dans les dernières minutes qui nous restent, justement de cet aspect anthropologique ou ethnologique. On sait que l'un des obstacles qu'ont rencontré les équipes médicales sur le terrain, eh bien, c'est que on sait que la transmission se faisait beaucoup dans les rites funéraires et que les rites funéraires, eh bien, il y avait des préparations de corps qui faisaient que le virus se répandait, qu'il y a eu beaucoup de défiance vis-à-vis d'équipes médicales qui étaient jugées comme invasives, qui venaient avec des gens venus d'Europe ou d'Occident qui étaient vraiment ressentis un peu comme des gens en tout cas qui n'étaient pas à leur place. Est-ce qu'aujourd'hui cette conception, disons, ethno-médicale a un peu progressé de telle sorte à ce que ces traitements, ces vaccins, la possibilité de soins rentrent plus facilement dans des zones un peu reculées, dans les foyers épidémiques? Ça a beaucoup progressé depuis 2014-2016. On a compris que pour pouvoir prendre en charge ces malades, pour pouvoir mettre en place des interventions, il faut absolument intégrer les chercheurs de sciences sociales. Il faut absolument travailler avec eux. C'est ce qu'on a commencé à faire. Et je pense qu'on a beaucoup avancé. L'acceptabilité pour le vaccin, il y a des études qui ont publié qui montrent que c'est beaucoup plus important. Parce que les gens ont compris que le vaccin était efficace, que finalement, il se protège. L'acceptabilité pour les traitements était beaucoup moins importante parce que c'est, ça renvoyait à l'image de la maladie. Il fallait absolument travailler cette image-là. Et on a énormément progressé. Le lavage des corps, qui était à l'origine de, justement, de transmission, là, on touche à la culture. Donc, il faut pas y aller avec nos croyances, avec nos réflexes, qui n'ont rien à voir. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'expliquer. Voilà. Et là, en zone de guerre, c'est encore plus compliqué. Il y a d'autres problématiques qui rentrent, quoi, en compte. Donc, effectivement, les sciences sociales, l'anthropologie, extrêmement important. Jean-Claude Manuguera, sur ces questions-là, sur... En fait, effectivement, on l'a vu dans beaucoup d'épidémies, même l'intervention, c'est pas non seulement des personnels invasifs, mais c'est des personnels qui étaient, dans certaines rumeurs, responsables de l'inoculation du virus aux personnes. Et je pense que c'est très important de comprendre ces phénomènes aussi de rumeurs et de corporatage de rumeurs. Je crois qu'on a aussi évolué non seulement sur de comprendre qu'il est... C'est pas possible d'interdire complètement les rites funéraires, c'est cruel et c'est insupportable. Et donc il y a des moyens qui ont été trouvés de manière à ménager sécurité et en même temps permettre un minimum d'accompagnement. Je pense que si on a évolué sur des notions qui était un peu péremptoire sur en leur disant ne faites pas ci, ne faites pas ça. Par exemple, on leur a dit longtemps ne mangez pas de viande de brousse. Or, il faut savoir la viande de brousse qui est souvent de la viande de singe. Hein. Voilà. Non, pas forcément. Ça peut être des chauves-souris, d'accord. Ça peut être n'importe quoi. C'est de la viande chassée, c'est la chasse. Et en fait, on se rend compte que quand dans des pays comme la Guinée, par exemple, lorsque l'épidémie a commencé en 2013-2014, il y avait des gros besoins alimentaires, notamment en protéines d'origine animale, et avec le programme mondial contre la faim qui était très actif et donc on était là dans un système où on pouvait pas on peut pas leur dire de pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est ne ramenez pas un animal qui est déjà mort. Ramener un animal que vous avez vivant, ramener un animal que vous avez chassé, et c'est là qu'on peut diminuer, faire passer un message et diminuer le risque d'introduction dans les villages. Est-ce que ça veut dire que là, compte tenu justement de toutes les pistes que l'on vient d'évoquer, il est envisageable de dire que à l'issue de cette épidémie en RDC qui est encore en cours, eh bien on peut imaginer sur la prochaine, peut-être, ou sur les prochaines, en tout cas à quelques mois d'ici, le passage de cette mise à disposition des vaccins et des médicaments à titre compassionnel à vraiment une situation pérenne de prophylaxie et donc bien de facto à quasiment la disparition de ce type de virus. Non, je pense qu'on ne peut pas dire la disparition, mais il est évident qu'on a beaucoup progressé et on a vraiment des armes, vaccins et traitements, pour essayer de lutter contre la maladie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yazdan Yazdanpana, merci Jean-Claude Manuguera d'être venu nous parler du virus Ebola. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lezen, Noémie Naguetzin, Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Dalia à la technique. Demain, nous vous parlerons du Breakthrough Prize en physique fondamentale qui a été attribué à trois physiciens pour leur théorie, une théorie proposée en 1976 autour de la supergravité, une tentative de théorie du tout à laquelle vous comprendrez tout justement demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.